je t'aime. C'est dédicacé à la majeure partie des filles de mon ancien collège. Et la majeure partie des filles avec qui je voulais sortir. Désolé de vous appeler comme ça. Sale pute. Salope. Désolé de vous appeler par votre nom. J'aurais aimé que vous soyez beaucoup plus respectable. Mais c'est vous qui avez joué les salopes. Salope. J'y veux rien. Moi je voulais rien à part un peu d'amour. La beauté n'a pas la parole dans un monde de sourds. Tu peux te donner un petit conseil? Eh ben je vais te le donner quand même. Je veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que moi quand j'avais ton âge. J'ai hâte d'entendre la suite. Dwayne, c'est comme ça que tu t'appelles, hein? Dwayne, c'est la voix de l'expérience qui te parle. Tu écoutes? Pèse un maximum de gonzesses. Hey, t'arrêtes pas sur une seule femme, papa. Il faut en faire plein. Ça suffit, ok? En ce moment, t'en as une. Papa. Allez, Dwayne, tu peux me le dire, t'en as une. Arrête, ça suffit. Non, tu déconnes. C'est pas possible, t'as tout de même 15 ans, c'est bien ça. Papa. Profite de la chair. Papa. Les jeunettes, hey. Y'a rien de meilleur au monde. Papa, t'arrêtes, ça suffit pas maintenant. Gentil, ne m'interromps pas, Richard. Faut y aller maintenant, pendant que t'es mineur et qu'elles sont mineures. C'est parfait, là. Une fois que t'as 18 ans, terminé, t'y touches et tu te prends 3 ou 5 ans facile. Tu vas te taire ou j'arrête la voiture maintenant. Bah, tu peux arrêter la voiture, hein, je m'enterrai pas. Je t'emmerde. J'ai droit de dire ça, je veux. J'avais peur que ça fasse trop cotique. Ta gueule. Mon mec m'a acheté un dernier ski à 800 euros. Ta gueule. Comme ton fils, je fais des études spécifiques. Et moi je t'emmerde depuis mon squat artiste. Marginal était dessiné, mais moi je bosse pas pour des futurs groupés. Actrices porno à jouer à la célébrité, à la Leonardo DiCaprio. Dès que t'es cap, t'es pris, je rentre dedans comme une prise et brio. Et quand t'es en viol, on ferme les yeux, on peut faire dire n'importe quoi une soumise. Je connais bien ce milieu, ils se tapent des queues au fond des transports en commun, ils se perdent des bouteilles pour te balancer dans la gueule et tu traînes avec eux. T'es conne, hein, et bien plus chialer dans nos bras, tu vas aussi nous rendre envieux. Un artiste puceau et connard qui lit dans les boyaux des mauvais canards et anarchistes. Qui n'a pas sa chance quand ça joue le terroriste. Et par un faux qui terrorise la direction. Actrice. L'amour c'est comme la justice, c'est factice. Vénus percute Mars, se fait couper en rondelles par les ondes de mariage. Saturne et Saturne, des films comme le hashish. Bienvenue dans le journée nocturne à chier. Notre état qui tourne, à l'internat ça fait pas l'amour, mais ça joue à la pupille, à la sodomie. J'ai pas de place à l'homosexualité, mais la connerie forcée. Et devant les gueuses, ça le renie. Les éléments, je rallie, je rogne et relie. J'en rogne, j'ai vu et je dis. Oh, je la grève de la trêve avec des maigres, de la grosse pègre de vendredi à jeudi. Mais comment je t'ai baisé Carla, c'est une salope. Ta gueule. Moi c'est ni pute ni soumise. Ta gueule. Alors les putes, ça pute, tu suces. C'est pire, on peut plus marcher au but. Pour la répute, pour la répute, sale pute, tu suces. C'est pire. Mais ouais, tu suces, sale pute, excité comme une puce, ça fait grandir ta répute. On sait de quoi tu réponds, bien intégré dans la société. Tu finiras dans le secrétariat ou la prostitution. Ben non, y'a que des salopards, pas prince charmant, sois pas charmé, je crame les charrettes méchamment. Voyeur, DJing, OM, footuning, je cherche femme sérieuse ou des puces, la petite fille. Laisse tomber, 10-12 ans déjà des vierges, ici, ici, y'a que des salopes, elles sont comme la vie, elles se fument comme une clope. Des fois, les faits me donnent l'impression que les femmes ne sont que des objets, ici, c'est pas vrai. Laisse ton mari à la maison, viens me le prouver. Et n'oublie jamais que ma crème avec ton mec. Allez, cherche pas, elle fait tourner, on sait qu'elle aime ça, même si elle est en train de chialer. Plus fort, on n'entend pas, c'est échappement. Et si t'aimes les grosses bagnoles et les jeans, jeans, diesel, t'as qu'à pipo les pots d'échappement. Et tu peux même plus t'échapper, rejeté partout, même les assos pour t'aider. Ben ouais, c'est bi, c'est bouffon que t'aimes, se foutre de ta gueule parce que ton ex était bi. Mais en fait, il faut que tu comprennes que ce qu'ils veulent, c'est que tu prennes leur bi. Elle ne travaille plus depuis qu'une bande de connards font la queue pour lui péter le cul. Comme elle peut rattraper tout le temps perdu pendant toutes ces années de virginité, vu que c'est une femme, autrement dit, une monnaie à échanger. Allez, mais laisse-le tomber, hein. Laisse-le bader, je suis sûr qu'il vaut même pas la peine, Oli. Allez, viens, je te dis, je vais te présenter des gens super, hein, et riches. Yeah. Oh, yeah, la classe et tout, super. Tu vas tellement te faire enfiler, tu verras comme tu vas en chier, mais viens pas crier ni chialer. Si l'amour de ta vie t'a trompé, personne t'a demandé de te la jouer au jeu de la société. T'es en manque, tu vas t'intégrer, on va te faire fumer, mais te poquer, te faire humilier. Les hommes à l'aise avec les femmes ont peu d'estime pour elles, mais beaucoup pour eux-mêmes. Ceux qui ont droit au bonheur ne le méritent pas. L'amour rend aveugle, insensible et muet. L'amour est un tueur à gages et le prince charmant son employeur. Horreur et pute, ça pute, tu suces. C'est pire, on peut plus marcher au but. Pour la répute, pour la répute, sale pute, tu suces. C'est pire. Excusez les femmes, elles ne sont ni putes ni soumises, elles sont juste représentatives de la naïveté. Elles sont les rêves les plus magnifiques et nous sommes le reflet de la fatalité de ce monde. C'est cet enfant de salaud bourgeois qui se prend pour un pape parce qu'il a les cheveux longs. C'est ça, continue à lui faire dépilation. Fais-lui le sida pendant que tu fais le crâne et crame sa maison. Il ne mérite pas le bonheur, t'as pas réalisé que c'était un profond. Mais regarde l'heure, putain, il te réduit à la prostitution. Non mais sérieux, tu te prends pour qui? Ouvre les yeux, regarde bien son kiki. C'est un putain de macho qui te pine. Je le dis haut et fort et insulte ta copine. En partie d'improvisation, c'est mon tour, histoire de péter le fion. Allez, j'arrive dans ta maison comme un avion à aéroport. Je vais cramer la gueule à ce putain de porc. Allez, ne mérite pas le bonheur. Je vois pas pourquoi moi qui respecte, je n'y aurais pas droit. Écoute bien ça, ça dans ta gueule, ça sonne de glace, c'est comme de gloss. Et tu vas en chialer, allez vas-y, continue à sucer, continue, tu vas être bien réputé. Allez sale pute, t'as plus qu'à t'amputer, tu butes. Allez enfoiré, je commence à perdre un peu de flow, mais je peux ressusciter. T'inquiète pas des gros mots, j'en ai plein de bagues. J'arrive et te file la bague autour de la bite parce qu'elle est trop grosse. Et je m'en flow peut aussi varier vite, ne t'inquiète pas, je milite. Ouais, je milite sans faute, mais je ne suis pas ton pote. Petite, allez viens, on va s'amuser dans une partouze. On va s'éclater, te défoncer, défoncer la gueule. Allez viens, on va piquer tout ton blé en échange de petits services rendus en nature. Et je crois que t'es mature, non. Allez, ouvre les yeux, tu sais ce qu'il veut. Te péter le cul, te péter le cul. Et encore péter le cul, il s'en bat les couilles de tout le reste. Allez fouille, tu verras ce qu'il en reste.